ça pour finir sur le pavé. Young Soon River doit se remémorer chaque instant, chaque nuit dans ce lointain passé. Il ne regrette rien car rien n'a vraiment changé. Tout ça pour finir sur le pavé. Plus.